composez votre code pour entrer au lavabo tôt à la mode. Maintenant, veuillez avancer lentement jusqu'à ce que vous entendiez ah ah. Laissez-nous vous apporter un biscuit. Voici maintenant la star des lavotos, la pieuvre multifonctionnelle, le turbo. Splash, boogie, splash. Splash, boogie, boogie, splash. Splash, boogie, splash. Le boogie, boogie, woogie, splash. Splash vous arrose de son eau douce, provenant entièrement d'une source, pour ensuite vous enduire de savon in, biodégradable à base de l'OS marine. Attention, ça va mousser au lavabo tôt, car Splash se transforme en toupie turbo. Massage complet de la carrosserie, pédicure de pneus et réflexologie. Fraîchement cueilli, parfumé à l'huile essentielle, aqua boogie.